Bet can't play none either. La rencontre récalcitrante qui se croiront tes contraintes sans craindre à croire en illusoire. Pas le thé d'humanité sans prétendre des privilèges prétentieux. Je me gêne, je le genre, j'en dis d'acquis pour n'importe qui seront la zizanie. Dans un zoom de zone, nous zones, animaux sans ozone qui prône et froid le morceau de notre moi. Et sans aucun mot derrière ton dos, te méprendre sans te rendre à travers de tels méandres. Mais ce que tu demandes de mes alarmes sont dividendes discrets. Pas encore perché, pas assez pour le remarquer. Sans cligner sur tes multiples possibilités. Revirement permanent, agaçant, franchement c'est fréquent. Et pourtant sans précédent, pourtant quelquefois on croit ce que l'on voit. Mais nada, que des proies, sans a priori à quel prix. Pour assurer, est-ce qu'on continue à son bon dessin. Les émerveilleux, voir enfin, sans enfin le fil qui fin. Bien plus loin que ces vauriens mesquins. Plus rien. Sur sa barque.